comme une évidence, j'aurais voulu qu'on se mette à l'abri. Je refuse de voir tes larmes, donc si tu pleures, restons sous la pluie. Plus t'as mal, plus j'appuie, ta peine, j'en savais rien. T'as eu des doutes que t'as creusés, qui se sont avérés. Avec moi, tu peux plus rêver. J'ai dit des mots que t'as pu relever. Et toutes mes attentions, je les ai enlevées, car elles ne font plus d'effet. T'as vu, j'ai pas à retenir, mais j'ai à connaître mes torts. Quand je te dis pas, comprends-le comme reste encore. Dans la vie des déceptions, il y en aura pléthore. Dans certaines de mes décisions, il y a des ratés de forme. Mais toi, tu faisais la maline, me parlais avec hauteur. T'étais un moteur, mais je crois que j't'ai trop mis au beurre. Ouais, c'est moi qui a dérapé, c'est toi qui a tout raqué. Trop de suffisance, c'est ça, je te l'ai rappelé. J'ai vu des restes de ton rimmel séché sur l'oreiller. Tes yeux me disent, ne me quitte pas au réveil. Mais tes copines parlent, ne savent rien de nos ressentis, elles. Font des raccourcis et tu décroches de l'essentiel. C'est trop moche de retirer le bleu du ciel. Dois-je partir si nous deux on s'aime? J'ai entendu que t'as fait ta vie, enfin c'est cool pour toi. Si je reviens, est-ce que tu me suis? Je ferai tout pour le voir. T'es sans qu'on discute, 5 minutes je ferai pas comme avant. Prends une veste longue, je sais que ta robe te va comme un gant. Ton regard est grand, j'ai envie d'y plonger, tu sais. Ce que j'ai fait, tous les jours je ne fais qu'y songer, puis c'est une façon d'accomplir ma résilience. Dire qu'on était une évidence. Chacun doit voir ses négligences. Au lieu de cultiver la distance, je sais ce qu'on perd, hein, mais je trouve pas les mots pour te dire ce que je pense. Je ne fais que péra. J'ai un cœur de pierre, impénétrable, un château fort. Je prends des risques qui me diminuent, qui m'inconfortent. Non, j'attends rien, je crois. Enfin, peu ou presque. Même quand le soir, face au miroir, je fais des aveux de paix. Arrête d'écouter, est-ce que les rageux s'aiment? Être jalouse installe leur jeu de scène. Sèche tes larmes, défaite tes valises. Reste chez moi, ma rhum te valide. Accepte-moi tel que je suis, car tu n'es pas celle que je fuis. Comme une évidence, entre nous, comme une évidence. J'ai pas fait les choses comme il fallait. J'ai pris tes questions sans les réponses qui te parlaient. Et parmi les causes qui nous liaient, trop de déceptions, les fondations finissent par plier. J'ai pas fait les choses comme il fallait, non. J'ai pris tes questions sans les réponses qui te parlaient tant. Et parmi les causes qui nous liaient, trop de déceptions, les fondations finissent par plier. Comme une évidence, entre nous, comme une évidence.